Vous vivez à 7 dans un 3 pièces aux palettes. Vous vivez à 7 dans un 3 pièces aux palettes. J'attrape la migraine en y venant une fois par semaine. Ton frère Jean-Paul écoute toute la nuit Sex Pistols. Ton frère Jean-Paul écoute toute la nuit Sex Pistols. Et ta sœur Yvette écoute du Wagner aux toilettes. Si cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras, on est sympa comme tout. On te fait un peu plein de sucus et de cachou. Si cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras, on est sympa comme tout. On te fait un peu plein de sucus et de cachou. Ton père est pervers, il ne joue qu'au strip poker. Ton père est pervers, il ne joue qu'au strip poker. Il picole en caleçon devant la télévision. Ta mère tous les matins chante la messe en latin. Ta mère tous les matins chante la messe en latin. Oui mais tous les soirs elle chante du rock dans sa baignoire. Si cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras on est sympa comme tout. On t'offrira tout plein de sucus et de cachou. Si cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras on est sympa comme tout. On t'offrira tout plein de sucus et de cachou. Elle est enfin dans la cuisine. Et le grand Raoul qui est devenu ma boule à Kaboul. Et le grand Raoul qui est devenu ma boule à Kaboul. Sur le balcon il a du drôle de plantation. Cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras on est sympa comme tout. On t'offrira ton plat de sucus et de cachou. Cette maison de fou tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras on est sympa comme tout. On t'offrira ton plat de sucus et de cachou. Cette maison de fou, tu ferais mieux de venir avec nous. Tu le verras, on est sympa. Quitte cette maison de fou, et on t'offrira tout plein, tout plein, tout plein. De quoi? De Sugus, de Sugus, de Sugus. Waouh! Et de cachou.